c'est le cancan. Le cancan, le camp des ratons. Le bruit qui court, qui fait le marathon. Et qu'on reprend sur tous les tons. Murmurez, murmurez, bougan. Invraisemblable ou convaincant. Vous aimez ça, c'est le cancan. Émile et l'amande Amélie. L'ami Léon en est mari. Léon le mari d'Amélie. Lui-même est l'amant de Marie. Marie, oui, la meilleure amie d'Amélie est dans le mari. Émile est l'amant d'Amélie. C'est lamentable à mon avis. Ici Paris, ma peau chérie. Si tu savais ce qu'on raconte. Non mais dis donc, est-ce que tu te rends compte. C'est un scandale, c'est du lourd. Comme à la pluie des tailles piquantes. De sources sur chaînes non manquantes. Vous y croyez, c'est le cancan. Amélie a une maladie. Émile est nul, ne l'a pas dit. Amérique a la maladie. D'Amélie, on l'attrape au lit. Amélie, on l'y a pas dit. A-t-il lu mélanomalie. Amélie a une maladie. C'est malheureux, mais c'est la vie. C'est le cancan, tout le monde en veut. Si c'est choquant, c'est encore mieux. Et en avant, c'est le cancan. Le cancan, le candidat-on. Le bruit qui compte, qui fait le marathon. Et qu'on reprend sur tous les tons. Murmurez. L'amant d'Amélie.